3, incorruptible, XX, l'équipe. Du 9-4 au 2-0, du 2-0 au 2-blé. Des rapaces, des carnivores qui sont là seulement pour blé. Ça bourdait, ça plaque pas, ça courdait. Balance dans des bains de ciment soldé. 20ème, on n'a pas de tatouage, que des balles à son crâne. Donne-nous une scène et des micros, HF, on te casse tout. On te met de côté le flow, chez nous ce qui compte c'est le contenu. On te met tout de suite dans le flow, j'dédicace pour ce contenu. Des Haraimi en pleine possession de leurs moyens OP. C'est un cocktail molotov signé incorruptible et AP. A tous nos frères au car plat, on casse toutes les bouches de ceux qui parlent trop. Comme une garrity, victime, on te fume jusqu'au bas. J'ai aussi 10 gros. Puis qu'on tease le bébran pour ceux qui se disent 6 gros. Qui se font rentrer à des litrons. Du 20ème au 9-4, nous on ramasse pas le savon. On se met pas à 4 pattes. Le code de l'honneur, nous l'avons. Les chemets de fouille, frappe les couilles. Ça sent la douille, la grande vadrouille. Au reps, le temps nous, le pop, la small. Les murs tiennent l'escarlate. Tarlous passe pas par là. Ça fait boum dans les tarmas. Ça braque en ice varna. Y'a des frères dans le jean, d'autres dans le deal. Des buildings, des dingues, des strings. Nos villes, c'est l'asile, on kill à la kill. Cousin, cousine, cousin, cousine. Du vent au 9-4, ça bousille. On est zinzin, voisin, voisine. Flow hardcore, incorruptible à play. Flow hardcore comme un FX. Bienvenue dans notre matrix du 9-4 au XX. Où les bonhommes stress, les bitches ont plein de caprices. Là où ça stresse et les bâtiments sont compresses. Flow hardcore comme un FX. Bienvenue dans notre matrix du 9-4 au XX. Où la volaille tourne comme des touristes et épices. Si tu veux prendre contact, gros, appelle-nous d'un fixe. De chaque quartier à 1000 montants. On est tous là pour le montant, on n'est pas là pour longtemps. Content ou mécontent, chaque quartier, chaque cité, c'est déroutant. Lunettes quartier, Kurniak c'est perte de temps. Partout c'est identique, on court après le fric. Une transac, un flash, poursuite avec les flics. Sur nos visages, toutes les séquelles du passé. Nos paysages, la fumée dans un hall cassé. Les yeux plissés, les joints tassés, les nerfs brisés. Jeunesse, la France d'en bas, drapeau on vient hisser. Un cas parmi tant d'autres, évite de déraper. On rappe pour tous les nôtres, debout sur le canapé. Mon texte en première page, en fuite avec AP. Surpris comme au péage, en fuite avant de taper. Du 1-3 au 7-5, partout ça va taper. Lève ton bras, serre ton poing, on vient représenter. Du 9-4 au 1, bienvenue dans la jungle, viens je t'invite. Ou quand toi des thunes on t'évite. Ou on t'éventre si tu l'ouvres trop, c'est une vitrine. Là où ça traîne pour l'oseille, ça s'engraine. Donc ça s'entraîne à tirer, ça s'embrouille. Quand ça se couille pour 500 grammes, ça se fout. Quand ça douille, t'es casse-cou, bizarre tout si ça paye. Rap véridique quand les anciens prennent des banques sur Paris en plein après-midi. On aime le matin rue, amitié vieille quand y'a Schmidt, c'est Amityville. Mais les petits veilles font la SS, c'est la dèche, rane 7, tu vois ta princesse. Tes moustaches authentiques comme Brassens ou Khaled. Des histoires malades pour tous ceux en calèche. Des flows cinématiques, nos vies des cinématiques. XX. C'est la clique, un cas c'est l'équipe, hardcore c'est l'éthique. Rap de rue cousin, voilà le vin. Mafia quinquin, eh. Incorruptible à play, flow hardcore comme un film X. Bienvenue dans notre matrix du 9-4 au XX. Où les bonhommes stay. Les bitches sont plein de caprices. Là où ça stresse et les bâtiments sont compresses. Flow hardcore comme un film X. Bienvenue dans notre matrix du 9-4 au XX. Où la volaille tourne comme des touristes et épices. Si tu veux prendre contact, gros, appelle-nous d'un fixe. Incorruptible à play, flow hardcore comme un film X. Bienvenue dans notre matrix du 9-4 au XX. Où les bonhommes stressent, les bitches sont plein de caprices. Là où ça stresse et les bâtiments sont compresses. Flow hardcore comme un film X. Bienvenue dans notre matrix du 9-4 au XX. Où la volaille tourne comme des touristes et épices. Si tu veux prendre contact, gros, appelle-nous d'un fixe.